Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand, Noël Douville, Louis Douville, Robert Blanchette et Yves Farley. Aujourd'hui à l'émission, nous avons Amarillo Chan y Magenta du Costa Rica, Deso Ursini de la Tchécoslovaquie, OVNI du El Salvador, Unreal City d'Italie, Anathema d'Angleterre, Wobbler de Norvège, Nemo de France, Airbag de Norvège, Cast du Mexique, Slush du Québec et les Néerlandais Focus. On débute avec un groupe du Costa Rica, Amarillo Chan y Magenta. C'est un groupe dont on connaît un seul extrait, c'est-à-dire un seul album. L'album s'intitule Nomadas et la pièce que je vous propose, c'est Después de Medianoche. Alors voici Amarillo Chan y Magenta. Thank you. C'était Amarillo, Chan y Magenta du Costa Rica avec la pièce Después de Medianoche et c'est extrait de l'album Nomadas qui est paru en 2008. Nous allons maintenant du côté de la Tchécoslovaquie durant l'ère du communisme des années 70 avec un musicien du nom de Dezo Ursini. C'est un musicien que j'ai découvert grâce à une interview d'un groupe européen dont les influences remontaient à Dezo Ursini. C'est un musicien qui a été contraint durant les années du communisme à faire de la musique de film seulement, mais il en a profité pour enregistrer plusieurs titres. plusieurs albums qui sont sortis finalement en 1990 lors de la lorsque le mur de Berlin est tombé. Et d'ailleurs, beaucoup de musiciens de l'Europe de l'Est ont profité de cette occasion pour rendre public les enregistrements qui avaient été faits sous le couvert de l'anonymat. Alors, Désir Rossini a 12 albums à son actif. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est deux pièces de l'album Moment Key, la pièce titre, et Deti e Sase Deti. Alors, voici Désir Rossini de Tchécoslovaquie. Se ponosím malú čiernu skrinku ktorej mi ho strácajú sa ľudia veci a krajiny. A potom z tej ostrej vývojkovej tmy vyplávajú späť, vracajú sa ako živí. Ruky cudzie mesta, vtáci, deti, deti a zase deti, pustváre letná cesta. Aký si muž, nedočkavý archeológ, vykopáva rýchle autá zo závejou iskrivé. Čas sa v tej tme čo si celkom stratí tu rozosmiatí kamaráti na končiari tam zase na neostrej fotke z konca minulého leta sa odra slnka v našom okne. Ako si príliš, príliš krivý. So sebou nosím tú malú čiernu skrinku, strácajú sa ľudia veci a krajiny. Občas sa v tej tme čo si celkom stratí smiatí kamaráti na končiari, tam zase na neostrej fotke z konca minulého leta. Je tvoj pohľad dnes už aký si príliš sivosný. We'll be right back. Thank you. Alors, c'était Dezo Ursini de Tchécoslovaquie avec la pièce Deti Assassé Deti et ça a été précédé de Moment Key, deux pièces qui sont extraites de l'album Moment Key qui est sorti en 1990, mais on relate que les compositions datent de plus de 45 ans, au début des années 70. Alors, on va terminer le premier bloc avec une formation du El Salvador, la formation du nom de OVNI. OVNI qui a 6 albums à son actif depuis le début des années 95. Le dernier est paru en 2013. Ce qu'on va entendre, c'est extrait de l'album Salvadoreno et Alien, paru en 2011, et la pièce s'intitule Offensiva. Alors, voici OVNI. Thank you. Vous venez d'entendre la formation. On débute le deuxième bloc de l'émission avec une formation italienne dans la jeune vingtaine. Il s'agit de Unreal City, qui ont fait paraître leur premier album en 2013. Et c'est un album qui a été très apprécié, autant par la critique que par les amateurs de rock progressif. Alors, Unreal City, le premier album s'intitule La Croûte Delta di Aprile. Et on va entendre un extrait de la longue pièce Horror Vacui. Alors, voici Unreal City. Thank you. depressione sui giornali e nelle vene. Vi lascio il ricordo di quel soffio vitale che usciva via, fluiva via. Crudo di una madre al di là, lascio a voi quel mio viso a cui plasmai un passato per sopprimere i resti della moralità. Alors, c'était Unreal City. D'Italie, avec la pièce Aurore Vacui, et c'est extrait de La Crudeltà di Aprile qui est paru en 2013. On va conclure le deuxième bloc avec une formation d'Angleterre du nom de Anathema. Anathema qu'on connaît principalement avec le style particulier qu'ils ont, un peu métal et très symphonique et avec des mélodies impressionnantes. On a 10 albums de ce groupe-là disponibles et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait de l'album Falling Deeper qui est paru en 2011, qui constituait être le 9e album du groupe sur les 10 parus. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Sunset of Age. Alors voici Anathema. Oh, Alors, c'était Anathema avec la pièce Sunset of Age et c'est extrait de Falling Deeper, un album paru en 2011. Après la pause, Warbler, les influences de Gentle Giant, King Crimson et Genesis. C'est donc Warbler qu'on va entendre avec la pièce Rubato Industry. Thank you. Thank you. C'était la formation norvégienne Wobbler avec la pièce Rubato Industry et c'est paru sur l'album Hinterland qui a été publié en 2005. On va maintenant du côté de la France avec la formation Nemo, la formation dont on connaît 9 albums, dont 6 partie 1, dont on va entendre l'extrait Miroir. Voici Nemo. Dans mon fauteuil, je me déplace comme 200 kilos de sommeil. J'ai un programme efficace, il contient la vie que je mène. Je peux choisir mes yeux, ma race, changer mon corps, mes os, mes gènes. S'arrête à la mauvaise heure. Il me suffit de taper cœur. Un sang nouveau coule en mes veines. Mais si dehors je suis unique, mon vrai corps est une gangrène. À l'apparence je me pique. Ma drogue est mon cryogène. Je suis le soir, et ce que je vois, sont tes cela. sera-t-elle aussi belle lorsqu'elle est nue? Ou bien sera-t-elle comme moi? Une image sans reflet de soi. Et tous ces gens que j'ai connus, le temps de rien, le temps de soi, ont-ils changé de tenue pour ne plus me voir? Sommes-nous tous devenus fous, nos âmes figées dans la crasse, et l'orgueil s'est-il dissous dans les reflets de la glace? Demain j'irai dans la rue avec ma vraie gueule et mon fauteuil. Je ne me déguiserai plus, tant pis si vous tournez de l'œil. Vous venez d'entendre la formation française Nemo avec la pièce Miroir et ses extraits de Si, partie 1, paru en 2006. On enchaîne avec la formation norvégienne Airbag, dont on connaît trois albums, dont le dernier paru en 2013. Et c'est extrait de cet album qu'on va entendre la pièce titre The Greatest Show on Earth. Alors voici Airbag. Carry on from here. You don't want to see what's real. It hurts too much to lose your faith. Just keep calm and carry on. An unseen hand will be there when you fall. 'Cause we know who you are. The land. C'était The Greatest Show on Earth, la pièce titre de l'album The Airbag qui est paru en 2013. On va conclure le troisième bloc avec une formation du Mexique, CAST, formation très prolifique parce qu'on leur connaît 18 albums parus depuis 1994 et c'est le dernier album paru l'an dernier, R6, à partir duquel on va entendre « Luz al final del túnel ». Alors voici CAST du Mexique. C'était la formation mexicaine Cast avec la pièce Luz al final del túnel et c'est extrait de l'album Arcis qui est paru en 2014. Après la pause, Slush et Focus qui sont inscrits au palmarès Rock de Neurone. Cette semaine, nous avons un groupe québécois en position 46 du palmarès. Et le groupe se nomme Slush. C'est un groupe qui était actif dans les années 70 avec deux albums, Jeune œil qui est paru en 1975 et Stadacone en 1976. Alors, on va entendre la pièce « C'est pas fin du monde », extrait de Jeune œil. Alors, voici Slush. Thank you. C'était donc Slush avec la pièce « C'est pas fin du monde » et c'est extrait de l'album « J'ai un œil » qui est paru en 1975. On va conclure l'émission aujourd'hui avec la position 45 du palmarès Rock de Neurone avec la formation néerlandaise Focus, qu'on a très bien connue grâce à la super commerciale chanson « Hocus Pocus ». Mais c'est pas ce qu'on va entendre. On va aller plutôt du côté du quatrième des 12 albums de la formation, paru en 1974, et l'album s'intitule Hamburger Concerto, et on va entendre un extrait de la pièce-titre. Alors voici Focus. Thank you. C'était Focus des Pays-Bas avec la pièce Hamburger Concerto et c'est tiré de l'album du même nom qui est paru en 1974. Ceci met fin à l'émission. J'espère